First of all, I will say thank you to your family. Erstmal möchte ich mich bedanken bei der Familie. I have to record, pardon. D'abord, je veux vous remercier la famille en Christ. How you are there for Christ Jesus. Wie ihr da seid für Christus Jesus. Comment vous êtes là pour Jésus Christ. How you are never tired of him. Wie ihr niemals satt habt. Comment vous êtes jamais fatigué de lui. How you left everything. Wie ihr alles verlassen habt und ihn gewählt habt. Comment vous êtes capable de tout abandonner et lui choisir. The greatest thing on earth today is money. Das größte hier auf Erden ist Geld. La plus grande chose ici sur terre c'est de l'argent. I went to bank today. Non, je suis à la banque gegangen. Aujourd'hui quand je suis partie à la banque, I saw one of the children's monthly blessing. He always blessed the ministry. Ich habe eins der Gaben gegeben, die einer der Kinder JK. Gottes monatlich in die Gemeinde geben. Das von JK. J'ai vu l'argent que notre sœur en Christ JK a donné à l'église. For more than a year now, she'll be blessing the ministry with 600 euro every month. Seit mehr als einem Jahr segnet sie die Gemeinde mit mehr als 600 Euro. Plus d'une année, elle continue à bénir la maison de Dieu avec 600 euros par mois. And she never makes it. Und sie hat es niemals verpasst. Et elle n'a jamais abandonné. In spite of all the credit. Trotz der ganzen Kredite. Malgré tous les crédits qu'elle prend. In spite of everything. Trotz allem. Malgré tout. The buying of the house in Lagos that the Lord gave us. Das Haus, das wir in Lagos gegeben hat, was der Herr uns gegeben hat. La maison qu'on a acheté à Lagos que l'Éternel nous a donné. What she brought was great. Was sie gebracht hat, war groß. Ce qu'elle avait donné, c'était grand. So are also some of you. Und so sind auch einige von uns. Et de même quelques d'entre vous. I saw it today. I thought a lot about it. Und ich habe es heute gesehen, ich habe viel darüber nachgedacht. J'ai vu ça aujourd'hui et j'ai beaucoup pensé de ça aujourd'hui. I said, Father, thank you. Ich habe Vater danke dir gesagt. J'ai dit merci Seigneur. That your children can trust you to this extent. Dass deine Kinder dir zu diesem dir so sehr vertrauen können. Le fait que tes enfants sont capables de te faire confiance comme ça. I know what is here on earth. Ich weiß, was hier auf Erden ist. Parce que je sais qu'est-ce qu'il y a ici sur terre. How money is so important to everyone. Wie Geld das Wichtigste so wichtig ist für viele Leute, für alle. Comment l'argent est plus important pour tout le monde ici? And your children never see money as their life, but you alone. Und deine Kinder sehen Geld niemals als ihr Leben, sondern dich allein, amen. Mais tes enfants ne voient pas de l'argent comme leur vie, mais ils voient toi, ils te considèrent seulement toi comme leur vie. You know, this is somebody that we pay the house bill, that we pay, that will be here. Thank you. You know, let's go to Mark 10, please. Jesus told this man, said, sell everything and follow me. Jesus hat zu dem Mann gesagt, verkaufe alles und folge mir nach. Mark 10, Jésus a dit que tu dois vendre tout et suis-moi. Praise the Lord. Hallelujah. 21. Mark 10, verse 21. Then Jesus, beholding him, loved him. He loved him and not hate him. L'Éternel aima ce garçon. And said unto him, one thing thou likest, go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. And that person has been you and I. Et quand il s'adresse à cette personne, il s'adresse aussi à toi et moi. And we did not go away sad. Wir sind eben nicht traurig davon gegangen. Mais nous, on n'a pas tourné le dos triste et on est parti, mais on est resté avec l'Éternel. We thank him that he gave us. We accepted his, you know, we accept his, you know, his strength to say yes to him. Wir danken ihm, dass wir seine Kraft akzeptiert haben, um ja zu ihm zu sagen. On remercie l'Éternel qu'on a accepté sa puissance de lui choisir. He never tell you to do something without equipping you. Without niemals, giving you this, you're destroying to do it. Etwas zu tun, ohne dir die Kraft zu geben, es auch zu verbringen. Il ne te dit jamais de faire quelque chose sans te donner la force d'y faire. Because he knows that the natural man cannot understand him. Weil er weiß, cannot believe him. Der natürliche Mensch kann ihn nicht verstehen, kann ihn nicht glauben. Parce qu'il sait que l'homme naturel n'est pas capable à lui comprendre. He knows that the natural man cannot choose him. Er weiß, dass der natürliche Mensch ihn nicht wählen kann. Il sait que l'homme naturel n'est pas capable à lui choisir. He knows that the natural man cannot say yes to him and not go away sad. Der natürliche Mensch kann nicht ja sagen zu ihm und ihm nicht traurig davonlaufen. And not going away sad. L'homme naturel n'est pas capable à dire oui à Jésus-Christ et de ne pas s'en aller triste ou bien lui oui. And that's why anytime he tells you to do something, you know he has given you the power to do it. Because he knows that without his power you cannot even do it. Hat er dir die Kraft schon gegeben, es zu tun? Denn er weiß, ohne seine Kraft kannst du es nicht tun. Et chaque fois qu'il te dit de faire quelque chose, il t'a déjà donné sa force parce qu'il sait que sans lui, sans sa force, tu ne peux pas le faire. One thing with the kingdom of heaven is the kingdom of choice. Eine Sache im Königreich des Himmels ist, dass es ein Königreich der Wahl ist. Une chose qui est vraiment importante dans le royaume des cieux, c'est que et que le royaume des cieux est un royaume de décision. No, he has given you the power to choose him. He equipped you to choose him, but his theory is still lying on you to say yes or no. Natürlich gibt er dir diese Kraft, das zu tun, aber dennoch liegt es immer noch an dir, ob du ja oder nein sagst. Évidemment, il te donne la force de lui choisir, mais c'est ta décision de dire oui ou non, de le choisir ou pas. You know, I thank you all for being there for Christ Jesus. Ich danke euch alle, dass ihr da seid für Christus Jesus. Je vous remercie tous parce que vous êtes toujours là pour Jésus-Christ. Amen. You know, they were there for Paul. Sie waren da für Paulus. Ils étaient là pour Paul. In his past ministry. In Paulus Gemeinde. Dans l'église de Paul. Remember, Paul said, be like me, because follow me because I follow Christ. Erinnert euch an Paulus, er sagt, folgt mir, seid so wie ich, weil ich Christus folge. Rappelez-vous à Paul, il a dit que choisissez-moi, soyez comme moi, parce que moi je choisis et je suis Jésus-Christ. Paul's ministry was Christ's ministry. Paulus Gemeinde war die Gemeinde von Christus. L'église de Paul, c'était l'église, le ministère de Paul, c'était le ministère de Jésus-Christ. So also is, you know, this ministry is Christ's ministry. Tout comme cette Gemeinde, die Gemeinde von Christus. Tout comme cette église, ce ministère, c'est aussi le ministère de Jésus-Christ. Go to Philippiens 4, please. Philippa 4. On va lire Philippiens 4. Thank you for being there for Christ Jesus. Danke, dass ihr da seid für Christus Jesus. Merci parce que vous êtes là pour Jésus-Christ. Said I should tell you thank you. Er sagt, wir sollen uns bei ihm bedanken. Il m'a recommandé de vous de vous dire merci. From verse 10, please. Philippiens 4, verset 10. He said, but I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me have flourished again. Wherein you were also careful, but you lacked opportunity. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I hope you are there. Verse 11. Verse 11. Not that I speak in respect of want, but I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Verse 12. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13. Verse 13. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Amen. I can do all things once I remember Christ Jesus. Ich kann alle Dinge tun, wenn ich mich an Christus Jesus erinnere. Verset 13 dit que je puis tout en celui qui me fortifie. Amen. Amen. I can do all things once it's all about Christ Jesus. Ich kann alle Dinge tun, wenn es um Christus Jesus geht. Et dès qu'il s'agit de Jésus-Christ, je suis capable de tout faire. All I need is just remember him. Alles, was ich brauche, ist mich an ihn zu erinnern. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me rappeler de lui. Amen. Amen. Verse 14. Verset 14. Notwithstanding, you have well done that you did communicate with my affliction. Verse 15. Now, you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia to church, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Mm. Only you saying yes to Jesus. Mm. Thank you so much. Oui, il a dit oui à Jésus. Seulement vous avez dit oui à Jésus-Christ et je suis reconnaissante. Do you know how many people have been in this church? But only you are saying yes to Jesus. Vous savez combien de personnes ont été ici dans cette église, mais seulement vous êtes les seuls à accepter ou à accepter Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'il est reconnaissant. In verse 16, says, for even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Is somebody getting it? Who is there for Paul is there for Christ Jesus. Donc la personne qui est là pour Paul, il est là aussi pour Jésus Christ. Because for Paul it was all about Christ Jesus. Parce que dans la vie de Paul, il s'agit toujours de Jésus Christ. Praise the Lord. Alleluia. Verse 17. Verset 17. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Is somebody getting it? Verse 18. Verset 18. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which we have sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. Is somebody getting it? No one ever chose Christ in vain. Niemand will Christus vergeblich. Personne ne choisit Jésus-Christ en vain. No one ever regrets choosing Christ Jesus. Niemand bereut es, Christus Jesus gewählt zu haben. Il y a personne qui va regretter d'avoir choisi Jésus-Christ. No one ever failed choosing Christ Jesus. Niemand versagt während Christus Jesus wählt. Il y a aucune personne qui va avoir un échec dès qu'il choisit Jésus-Christ. There's no disappointment in choosing Christ Jesus. Tu kann Enttäuschung, wenn Christus Jesus wählt. Tu seras jamais déçu quand tu tenteras de choisir Jésus-Christ. No depression. Keine Depression. Pas de dépression. No frustration. Keine Frustration. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 19. 19. Verset 19. But my God. My God. My God. Mon Dieu. Shall supply all your need according to his riches in glory. By Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. My God. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire dans le Christ Jésus. Amen. Thank you for being there for Christ Jesus. Danke, dass ihr da seid für Christus Jesus. Merci parce que vous êtes là pour Jésus Christ. It's a prayer I pray for you. Das gleiche Gebet bete ich auch für euch. C'est la même prière que je prie pour vous. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. I felt it when coming driving home today. As I saw, I said, "It's there again. Thank you for your children." Und ich habe das gefühlt, als ich das gesehen habe, und habe mir gedacht, danke für deine Kinder, Herr. Et je l'ai senti quand je l'ai vu aujourd'hui. J'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ pour tes enfants. That they can see you alone and not complain. Dass sie dich alleine sehen und sich nicht beschweren. Qu'ils sont capables de te voir seulement toi. Ils te voient seulement et ils sont jamais en train de se lamenter. There's no need to even say go and bring it, but you just because it's now part and parcel of your life. It's wonderful. Dass man nicht darum bitten muss oder darum flehen muss, sondern dass es einfach ein Teil unseres Lebens ist und eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir das geben. Le fait qu'on n'est pas les enfants ne sont pas en train de je ne dois pas les commander de bénir la maison de l'Éternel, mais c'est une partie de leur vie. And I thought about somebody. J'avais auch über jemanden nachgedacht. Et j'ai pensé à quelqu'un. That how can somebody be there and leaving everything for you and still say no to you? Wie kann jemand alles für dich, dir alles übergeben, aber dennoch nein sagen zu dir? Comment une personne peut te donner tout et continuer à refuser? à dire non à ta vie. What kind of power is that that can take somebody just like that away from you? Was ist das für eine Kraft, die einen einfach von dir so wegnehmen kann? C'est quelle sorte de puissance est capable de d'arracher tes enfants, un de tes enfants de toi? Because I believe this person left everything. Denn ich glaube, dass diese Person alles verlassen hat. Parce que moi, je crois que cette personne avait tout laissé derrière lui. But why is she able to now say no to you? Aber wieso ist sie in der Lage, nein zu sagen zu dir? Mais comment et pourquoi elle est maintenant capable de dire non à toi? I thought of it a lot. Darüber habe ich auch sehr viel nachgedacht. J'ai vraiment pensé beaucoup. And I said to him, tell me what to do. Habe ihn dann darum gebeten, mir zu sagen, was ich tun soll. Et je lui supplie de me dire quoi faire maintenant. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Today we're going to our message, which is our faith is in us. Heute gehen wir in die Botschaft, unser Glaube ist in uns. Aujourd'hui, non, on va partir de notre message qui est notre foi est en nous. The kind of faith is not outside, but inside. Gottes Glaube ist nicht draußen, sondern in uns. La foi de Jésus-Christ, c'est pas en extérieur, dans l'extérieur, mais c'est en nous. God faith is not on the outside, but on the inside of us. Glauben you and me. Ist nicht außerhalb von uns, sondern in uns, in dir und mir. La foi de Jésus-Christ, ce n'est pas à l'extérieur, mais c'est en nous, en toi et en moi. It is in what the natural eyes cannot see. Sehen, was die natürlichen Augen eben nicht sehen können. Et il s'agit de voir ce que l'œil naturel n'est pas capable de voir. It is hearing what the natural ears cannot hear. Es ist hören, was die natürlichen Ohren eben nicht hören können. Il s'agit d'écouter ce que l'oreille naturelle ne peut pas écouter. If you are if you are after five senses, you cannot experience God kind of faith. Wenn du unter den fünf Sinnen bist, wirst du Gottes Glauben nicht erfahren können. Si tu es derrière les cinq sens, tu n'es pas capable d'expérimenter ce qui est la foi de Jésus-Christ de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Even the old. Selbst im alten Bündnis. Amen. You know the story of Elijah. Wir kennen die Geschichte von Elijah. On connaît l'histoire de Élisée. Amen. Amen. You know Elijah was able to see the inside. Elijah war in der Lage, das Innere eher zu sehen als das Äußere. Élisée était capable de voir l'extérieur plus que l'intérieur. L'intérieur plus que l'extérieur. Pardon. Everyone can see the outside. Jeder kann das Äußere sehen. Tout le monde peut voir l'extérieur. Amen. You know, it's not what everybody can see, but it is what you can see. Aber es geht nicht um das, was jeder sehen kann, sondern es geht um das, was du siehst. Mais il s'agit pas de ce que tout le monde peut voir, mais il s'agit de ce que toi tu peux voir. Amen. Amen. Elijah was able to see what the natural man could not see. Elijah war in der Lage, das zu sehen, was der natürliche Mensch nicht sehen konnte. Élisée était capable de voir ce que l'être naturel n'est pas capable de voir. There was a difference between Elijah and his servant. Es gab einen Unterschied zwischen Elijah und seinem Knecht. Il y avait une grande différence entre Élisée et son servant. Are you getting it? Mm. One in one kingdom and the other in the other kingdom. Der eine war in einem Königreich, der andere im anderen Königreich. Élisée était dans un royaume. Et l'autre, il était dans un autre royaume. Are you getting it? Mm. How to live in our kingdom is by believing what you cannot see with your natural eyes. Wir leben in unserem Königreich, indem wir an das glauben, was man mit den natürlichen Augen eben nicht sehen kann. Comment vivre dans notre royaume, c'est quand on est capable de croire ce qu'on peut pas voir avec nos yeux naturels. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. For Jesus is spirit. Christus, Jesus ist Geist. Jésus-Christ est esprit. He said, "My word that I speak unto their spirit, their life." Er sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Selbst mein Wort ist Geist. Il dit que les paroles que je vous prêche, que je vous parle, c'est la vie et esprit. Donc ma parole est esprit. And John 4 said, "God is spirit, Christ is spirit." Johannes 4 steht, Christus ist Geist, Gott ist Geist. Donc Jean 4 nous dit que le Christ est esprit. There's nothing flesh in Christ. Es gibt nichts Fleischliches in Christus. Donc, il y a rien de charnel dans Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And the Bible called him evidence of things not seen. Und Bibel nennt ihn eine Tatsache von Dingen, die man nicht sieht. Et la Bible nous dit qu'il y a une évidence des choses qu'on n'est pas capable à voir. Hebräer 11 steht da. Evidence of tears not seen. That's Tatsache. Faith is evidence of sin. That's Christ is evidence of tears not seen. Eine Tatsache von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, Christus ist eine Tatsache von Dingen, die man nicht sieht, weil Christus unser Glaube ist. Donc, Hébreux 11 nous dit que Jésus-Christ est l'évidence que notre foi, c'est l'évidence de la foi, c'est l'évidence des choses qu'on n'est pas capable à voir. Et ça, c'est le Christ, parce que Jésus-Christ est notre foi. His finished work is evidence of things not seen. Sein fertiges Werk ist eine Tatsache von Dingen, die man nicht sieht. Son œuvre accomplie est l'évidence des choses qu'on n'est pas capable à voir. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You know what Elijah saw? Was Elijah gesehen hat? What he was seeing was something that no man can see. War etwas, was kein Mensch sehen konnte. Donc ce que Élisée avait vu, c'était une chose que personne n'était capable de voir. Are you getting it? He was able to see it. It's evidence of things not seen. Er war in der Lage, es zu sehen. Es war eine Tatsache von Dingen, die man nicht sieht. Et il était capable à voir ce qui à voir ce qu'il ne veut. Il n'était pas capable à voir physiquement. En fait, donc c'était la substance des choses. Oui. L'évidence des choses qu'il ne pouvait pas voir. He was not seeing it so that it will exist. Er hat es nicht gesehen, damit es existiert. Il n'a pas vu ça pour que ça puisse exister. Are you getting it? It exists, that's why he was seeing it. Es existiert und deswegen hat er es gesehen. Donc ça existe, c'est pour cela il a vu ça. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot see faith with your natural eyes. Du kannst den Glauben mit deinen natürlichen Augen nicht sehen. Tu ne peux pas voir la foi avec tes yeux naturels. It exists. Es existiert. Parce que ça existe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But Elijah was not confessing what does not exist. Elijah hat nicht das ausgesprochen, was nicht existiert. Élisée n'a pas confessé quelque chose qui n'existe pas. Or what was not in existence. Oder was nicht existiert hat. It was there. Es war da. Let it take another eyes. Aber es hat andere Augen gebraucht. Die Augen Gottes, um es zu sehen. Amen. Donc lui, il a vu, il n'était pas capable à voir. Donc il a vu seulement ce qui était qui existait dans le royaume des cieux, en fait, devant les yeux de l'Éternel. Don't bother yourself, something is not working. Mach dir keine Sorgen, wenn Dinge nicht funktionieren. Ne te préoccupe pas si les choses ne marchent pas comme oui. Because it does not mean it's not working. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Parce que ça signifie pas que ça ne marche pas. Christ Jesus never fails. Christus Jesus versagt niemals. Parce que Jésus-Christ, lui, n'a jamais, il n'échoue jamais. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Corinthians 2, verse 14. In 1 Corinthians 2, 14. 1 Corinthians 2, verse 14. But the natural man receive not the things of the Spirit of God. For they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. The natural man. Der natürliche Mensch. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître parce que c'est par esprit qu'on en juge. Elisha's servant was a natural man. Der Knecht von Elijah war ein natürlicher Mensch. Le serviteur, le servant de Élisée, il était un homme naturel. But Elijah was not a natural man. Ah, Elijah war kein natürlicher Mensch. Mais Élisée n'était pas un homme naturel. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You know Gideon, for example. You know in Numbers 6. Gideon was a natural man. Because the Lord cannot work with a natural man. He has to bring you out of that natural. Amen. Take you out of there. Amen. To not be in the same level with him. Auch in 4. Mose lesen wir über Gideon und er war ein natürlicher Mensch, er musste übernatürlich werden, damit der Herr ihn nutzen konnte. Et en nombre, on voit aussi que Gideon, lui, était par exemple un homme naturel, mais l'Éternel, avant de travailler, il n'est pas capable, l'Éternel ne veut pas travailler avec un être naturel. Il doit d'abord te transformer, te faire sortir de ton naturel pour te faire devenir surnaturel, pour que tu puisses qu'il puisse travailler avec toi. natural man means everything is five senses. Der natürliche Mensch bedeutet, dass alles fünf Sinne ist, Sinne geleitet ist. Dans l'être humain, l'être naturel signifie une personne qui est toujours guidée par les cinq sens. Mais somebody that sees the time, the age. Das heißt jemand, der Zeit und Alter und alles sieht. Une personne qui voit l'âge, le temps. Are you getting it? Mm. Your family, the natural, those you see call your family. Mm. Das Natürliche immer noch sieht, die Menschen immer noch sieht, die er seine Familie nennt. Ou bien, il considère l'être naturel et aussi toujours capable d'avoir, voilà, la famille naturelle comme sa propre famille et pas, qui ne considère pas la famille du Christ comme la sienne. The report, the result of a doctor or your school report. Die Ergebnisse von der Schule, von der Uni, von der Bank, von Arzt. Er glaubt diese Dinge. Donc, l'être naturel croit aux résultats des docteurs ou bien de l'université, des histoires comme ça. Donc, il voit toujours les cinq sens. You know the position you are in your natural parents' family. You are the last born, like Gideon. Die Position, die du hast. The last born. What can I do? In deinem in deiner Familie, die eine Person, die an diese Position glaubt und daran festhält, genauso wie Gideon, der gesagt, ich bin der Jüngste in der Familie, was kann ich schon reißen? Mm. Ou bien là, c'est aussi, l'être naturel est aussi une personne qui croit toujours à la position qu'il a dans sa famille. Par exemple, il dit que je suis le dernier né, comme Gideon qui se considérait toujours responsable, en fait, comme le dernier né de sa famille. You know the Lord knows everything concerning you. Der Herr weiß alles über dich. Mais l'Éternel connaît tout ce qui te concerne. You know, Gideon was telling God what God, he thinks that God did not know that he was the last one. Gideon hat Gott Dinge erzählt, von denen er dachte, dass Gott sie anscheinend nicht wüsste, beispielsweise, dass er der Jüngste ist in der Familie. Gideon disait toujours à l'Éternel que oui, je suis le dernier né, comme si l'Éternel ne le savait pas. We should be different from that. Wir sollten anders sein als er. Before you not believe God. Bevor er dann Gott geglaubt hat. Mais on doit être différent de Gideon avant qu'il croyait en Dieu. Are we different? Sind wir anders? Est-ce qu'on est différent de lui? We know the doctor's report. Wir kennen den Arztbericht. On connaît ce que le docteur dit. We know our school results. Wir kennen unsere Schulergebnisse. On connaît nos résultats de l'université. Are you getting it? We might even be telling God, look at the doctor's report, look at, as if he did not know. Wir sagen vielleicht sogar dem Herrn, schau dir an, was der Arzt sagt. Schau dir an, was die Uni gesagt hat oder was die Arbeit sagt. Aber wir müssen es ihm nicht sagen, er weiß es schon. Quelquefois on est là à dire à l'Éternel, mais vois ce que l'école a dit, ce que l'université a dit, ce que le docteur a dit. Mais toi, tu ne dois pas le dire parce que lui, il est ton père, il le voit, il le sait. Choose to be a supernatural person. That the Lord wants you to be. Ein übernatürlicher Mensch zu sein, der Mensch, den der Herr für dich will. On doit choisir de vouloir être des personnes surnaturelles comme l'Éternel veut. Oui, il veut nous voir surnaturels. Choose to live where the Lord wants you to live. He said the just shall live by faith. Entscheide dich da zu leben, wie der Herr möchte, dass du allow that to be your hope. Die Gläubigen sollen leben in Christ Jesus. Remember him to for self. Durch Glauben in everything and for everything. Durch Christus leben. Donc on doit, il a dit que les justes doivent vivre par la foi. Et c'est pour cela on doit apprendre à vivre en lui et par la foi. You know, Gideon again, for example, was a natural man before the Lord now helped his soul to be changed. Mm-hmm. Gideon beispielsweise war ein natürlicher Mensch, bevor der Herr ihm geholfen hat, seine Seele zu verändern. Gideon, par exemple, était un être naturel avant que l'Éternel puisse changer son âme. You know, Abraham was like you and me before we came to Christ Jesus. Auch Abraham war so wie du und ich. You know, he was not different, he was a natural man. Er war nicht anders, er war ein natürlicher Mensch. Et même Abraham, il était comme toi et moi, avant qu'il puisse connaître l'Éternel. Il était un être naturel. Praise the Lord. Hallelujah. We thank the Lord for Christ Jesus. Wir danken dem Herrn für Christus Jesus. Mais on remercie l'Éternel pour Jésus Christ. That changed us to become no longer natural but supernatural. Amen. Dass wir nicht mehr natürlich sind, sondern übernatürlich. Il nous a aidé à devenir les êtres surnaturel et plus naturel. So kind of faith is a supernatural faith. Sein Glaube ist ein übernatürlicher Glaube. Sa propre foi, c'est une foi surnaturelle. Because he's believed in everything that is opposite here on earth. Denn es glaubt everything an alles. That believing things that are opposite everything here on earth. es klappt dann alles, was das Gegenteil dieser Welt ist, dieses Weltsystem ist. Oui, parce que son système, c'est quand tu es en train de croire à tout ce qui est contraire à ce monde naturel. Praise the Lord. Alléluia. To know Christ, our souls are very important. Um Christus zu kennen, ist unsere Seele sehr wichtig. Et connaître Jésus-Christ, c'est vraiment très important pour notre âme. You must allow the inside to be changed. Wir müssen zulassen, dass das Innere verändert wird, das heißt unsere Seele. On doit vouloir que, on doit accepter que notre âme puisse changer. Are you getting it? Mm. Before Christ came to pay the price. Bevor Christus gekommen ist, um den Preis zu bezahlen. Avant que Jésus-Christ puisse venir à payer ce prix. No spirit could be saved. Konnte kein Geist errettet werden. Il n'y avait aucun esprit pouvait être sauvé. No, my spirit could be saved. Kein menschlicher Geist konnte gerettet werden. L'esprit de l'homme ne pouvait pas être sauvé. It is this blood of Christ Jesus alone for my spirit to be saved. Es braucht das Blut von Christus Jesus allein, um damit ein Mensch gerettet wird. C'est seulement à travers le sang de Jésus-Christ que l'être humain peut être sauvé. Before Christ came to pay the price. Bevor Christus gekommen ist, um den Preis zu bezahlen. Avant que Jésus-Christ puisse venir à payer ce prix. God was able to deal with man through their souls and not through their spirits. Gott war in der Lage, mit Leuten umzugehen durch ihre Seele, aber nicht durch ihren Geist. Dieu était capable à travailler avec l'homme à travers leur âme, mais pas à travers son esprit. Are you getting it? Mm. Today he lives inside us, in our spirit. Heute lebt er in uns, in unserem Geist, hundertprozentig. Mais aujourd'hui, il vit dans notre esprit 100%. Are you getting it? Parce que nous sommes sauvés. For the spirit to be changed, it needs the blood so much. Damit der Geist verändert wird, braucht es das Blut. Pour que l'esprit puisse être renouvelé et changé, né de nouveau, on a besoin du sang de Jésus-Christ. For the spirit, you know, the spirit to just continue to live there. Damit to dwell there. You know, John 14, he said, I and my Father will come inside you and live inside you. Mein Vater und ich, wir werden in dich hineinkommen und in dir leben. Donc il a dit que pour que l'esprit de Dieu puisse demeurer en toi, comme il a dit à Jean que moi et mon Père, on va venir vers toi et vivre en toi, demeurer en toi. Now he's able to live in our spirit. Jetzt ist er in der Lage, in unserem Geist zu leben. Et maintenant il est capable de vivre dans notre esprit. But before the coming of Christ. Vor dem Kommen von Christus. Mais avant que Jésus-Christ puisse venir. He was dealing with them through their souls. Musste er durch ihre Seele mit ihnen, konnte er durch ihre Seele nur mit ihnen arbeiten. Donc il était en train de travailler avec eux à travers leur âme. Praise the Lord. Alléluia. You know Gideon, so you know everything, you know your natural appearance, you know everything, you know the last one. It was all about his souls. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. But the Lord have to change it. It's only through the soul he was able to deal with them. Nur durch die Seele war er in der Lage, mit ihnen zu arbeiten. Donc c'était à travers leur âme que l'Éternel était capable à travailler avec eux. Praise the Lord. Alléluia. Even with Abraham. Selbst mit Abraham. Même avec Abraham. It was through his soul. Durch seine Seele. C'était tout à travers son âme. He was also with Moses. Auch bei Mose. Le même avec Moïse. It was through Moses' soul. Was auch durch die Seele von Mose. C'était à travers l'âme de Moïse qu'il travaillait. Remember the Genesis when the Spirit of God left man. He left the Spirit. Mm. Are you getting it? Als der Geist Gottes die Menschen verlassen hat. Rappelez-vous à Genèse qui nous fait voir aussi que l'Esprit de Dieu avait abandonné l'homme, l'être humain. And now that spirit is back through Christ. Et maintenant cet esprit est retourné à travers Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know the way of thinking, the way of seeing things. What we even speak. Was wir sprechen. Donc la manière laquelle on parle, la manière laquelle on voit les choses. Your action or your reaction. Unsere Aktion und Reaktion. Nos actions, nos réactions. Matthew 12. Let's go to Matthew 12. Matthew 12. Matthew 12. Verse 34. Matthew 12, 34. O generation of vipers. Jesus, Jesus spricht hier. C'est Jésus-Christ qui dit ici. Race des vipères. How can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Praise the Lord. Hallelujah. Out of the abundance of your soul. Von der Fülle der Seele spricht dein Mund. Il dit que vous, race de vipères, c'est à travers la bouche, car la bouche parle de l'abondance du cœur. Out of the abundance of what you allow to be recorded in your soul, your mouth speaks it. Aus der Fülle von dem, was du in deine Seele hineinlässt und speichern lässt, davon spricht dann auch dein Mund. Il dit que car la bouche, ta bouche parle de l'abondance du cœur, donc ça signifie que c'est que tu permets à ton cœur, donc de demeurer dans ton cœur, c'est ça que tu vas aussi prononcer, tu sais que tu vas sortir de ta bouche. Amen. Amen. Something is going to be recorded in your soul. Etwas wird in deiner Seele gespeichert werden. Dans ton âme, il y aura quelque chose qui sera enregistré. It's either life or death. Entweder Leben oder Tod. Et cette chose, c'est la vie ou la mort. Everything dead was once recorded in our souls. Der Tod war in unserer Seele gespeichert. Avant, une fois, c'était la mort qui était enregistrée dans notre âme. Amen. Amen. We thank the Lord for our spirit that is now saved. Aber wir danken dem Herrn für unsere Seele, die jetzt errettet ist. Mais on remercie l'Éternel pour notre âme qui est sauvée. Through our cooperation with our spirit that is already saved, our soul is able to be Christ. Durch unsere Kooperation mit Christus, mit unserem Geist, kann unsere Seele jetzt auch wiedergeboren werden. À travers notre coopération, qui est maintenant Jésus-Christ, on peut maintenant permettre à notre âme d'être née de nouveau, d'être sauvée. Your salvation, which is your spirit saved, gives you assets, you know, gives opportunity for your soul to be saved. Deine Errettung, deinem Geist, gibt deiner Seele die Möglichkeit, auch wiedergeboren zu werden. Mm-hmm. Donc, vu que tu es né de nouveau dans ton esprit, donc cette nouvelle naissance-là donne aussi l'opportunité à ton âme d'être aussi sauvée. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. And that's why that your spirit is safe. It's not enough. Sein Geist errettet, das reicht nicht. Et c'est pour cela le fait que ton âme est née de nouveau, c'est pas suffisant en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For your spirit to remain to be saved, to continue to be saved, he needs your soul. Damit dein Geist errettet bleibt, braucht es deine Seele. Pour que ton âme puisse rester sauvée, pour que ton esprit, pour que ton esprit puisse être sauvé, il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. Your spirit needs your soul to be saved. Dein Geist as far as you are still here on earth. Dein Geist braucht deine Seele, um weiterhin errettet zu bleiben, solange du noch hier auf Erden bist. Ton esprit a besoin de ton âme pour être sauvé, pour rester d'être sauvé. Oui. Are you getting it? Mm-hmm. For your spirit to continue to be saved, he needs your soul. Damit dein Geist weiterhin errettet bleibt, brauchst du Kooperation mit deiner Seele. Donc pour que ton esprit continue à être sauvé, il a besoin de la coopération avec ton âme. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Bible talks a lot about a wicked soul. Die Bibel spricht oft über eine bösartige Seele. La Bible parle souvent d'un âme qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas sauvée. It means a soul that is not of Christ Jesus. Das heißt, eine Seele, die nicht zu Christus Jesus gehört. Une mauvaise âme et une âme qui n'appartient pas à Jésus-Christ. It means a soul that is natural, a natural soul. Das ist eine Seele, die natürlich ist. Ça signifie qu'il parle de d'une âme qui est naturelle. To be natural, I mean to be carnal. Natürlich zu sein heißt, fleischlich zu sein. Et d'être naturel signifie que tu es aussi charnel. Amen. Romans 8. Let's go to Romans 8. Römer 8. On va lire Romains 8. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. A wicked soul is a carnal soul. Eine bösartige Seele ist eine fleischliche Seele. Une âme qui est mauvaise est une âme charnelle. Amen. Amen. It's no people. You know, people immediately somebody will just look at a soul that still kill and destroy. No. A carnal soul, amen, is more than being stealing, killing and destroying. Eine fleischige Seele ist mehr als töten, stehlen und zerstören. Donc une âme qui est charnelle, c'est une âme qui c'est plus qu'une âme qui tue ou bien qui est en train de voler. Donc Seulement, dès que tu es charnel, tu es une âme, oui, ton âme est déjà mauvaise. That is not Christ at all. That is not Christ. He's already a wicked soul. Mm. Dass nicht Christus ist, heißt schon, dass es eine bösartige Seele ist. Donc, seulement parce que cette âme ne connaît pas Jésus-Christ, ça signifie que cette âme est déjà mauvaise. Amen. Amen. That you are not considering him. It's already a wicked soul. Dass du nicht Jesus Christus erachtest, bedeutet schon, dass du eine bösartige Seele hast. Le fait que tu ne considères pas Jésus-Christ, ça signifie que ton âme est déjà mauvaise. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, somebody, you know, when they talk about religion, mostly they want to explain a wicked soul. They'll still, you know, it's all about stealing, killing, and destroying, all these Ten Commandments. You know, it's, that is not what it is. You know, because Jesus, with all this natural sin, he came, he paid the price. Mm. But there's something he did not pay the price to say no to him. Und wenn Religion von einer bösen Seele spricht, geht es immer um die Werke, um das Stehlen und das Lügen und Sonstiges. Aber es geht um das, wofür Jesus Christus eben nicht gestorben ist, nämlich ihn zu verweigern. Mm-hmm. Et quand la religion parle d'une mauvaise âme, il parle toujours d'un âme qui est en train de faire la fornication, de mentir ou bien de tuer. Non, mais devant l'Éternel, une âme mauvaise est déjà une âme qui ne choisit pas Jésus-Christ. Are you getting it? A soul that will not consider him. Eine Seele, die nicht ihn erachtet. Hebrews 12 says consider him. Hebräer 12 steht, erachte ihn. Donc, Hébreux 12 nous dit qu'on doit considérer que l'Éternel est une âme mauvaise et une âme qui ne considère pas Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Romains 8. Romains 8. Romains 8. Let's read from 1, please. 1. He said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the spirit. Mm. Are you getting it? He's comparing this flesh and the spirit. Vergleicht das, den Geist und die Seele hier. Ici, il est en train de comparer la chair et l'esprit. If you are condemning yourself, means you are under the flesh. Wenn du dich selbst verurteilst, bist du unter dem Fleisch. Parce que quand tu te condamnes toi-même, tu es déjà dans charnel. If it's all about Christ, you know you will not condemn me. Wenn es dir nur um Christus geht, wirst du dich nicht selbst verurteilen. Parce que quand il s'agit toujours de Jésus-Christ, là tu vas pas te condamner. Are you getting it? Mm-hmm. Because whoever will say no to you, say no to Christ Jesus. Denn wer nein zu dir sagt nein zu Christus Jesus. Yourself. Yourself is no longer there. Es geht nur noch um ihn, du selbst bist gar nicht mehr da drin. Parce que parce qu'il s'agit pas de toi, il s'agit de Jésus-Christ. Are you getting it? Mm. It is the presence of yourself that there is condemnation. Mm. Wenn es um dich geht, dann ist Verurteilung vorprogrammiert. Il y a dans ta, c'est seulement quand il s'agit de toi-même, là il règne la condamnation. Mm. Are you getting something? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Take your eyes away from yourself. Nimm deine Augen weg von dir selbst. Das hat er gestern oder vorgestern zu mir gesagt. Enlève tes yeux de toi-même, c'est qu'il m'a dit hier. Take your eyes away from people. Nimm deine Augen weg von Menschen. Amen. Enlève tes yeux des autres personnes. Let it be on me alone. Lass zu, dass sie vollkommen auf Christus allein sind. Laisse que tes yeux soient seulement sur moi. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 2 says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Mm. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, that God sent in his Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemning sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the spirit, who consider Christ, die Christus erachten, ständig. Remember how he loved you. Remember his finished work. Erinnere dich an remember that it's no longer about you erinnere at dich all. Daran, dass take yourself mehr um dich geht. Away from everything. Let it be Christ alone. Nimm dich komplett raus aus dieser Gleichung. Lass zu, dass es nur um ihn geht. Amen. Rappelle-toi que Jésus-Christ dit en effet la loi de l'esprit de la vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était sans force à cause de la chair, Dieu l'a fait. Donc ça signifie que tu dois toujours considérer Jésus-Christ, vois que l'Éternel. Donc toi, tu ne dois pas te voir toi-même, tu dois vraiment être habitué à seulement considérer Jésus-Christ. He's the doer of everything. Er ist der Macher von allem. Car c'est lui qui fait tout. He said, without me, you can do nothing. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Parce qu'il dit que sans moi, vous pouvez rien faire. If I do, if I'm not doing it, you cannot do it. And because I must be the one doing it. Wenn ich es nicht tue, kannst du es nicht tun. Ich muss derjenige sein, der es durch dich tut. Donc parce que si moi je ne le fais pas, toi tu ne peux pas jamais le faire. Parce que c'est moi qui le fais à travers toi. Are you getting it? Yes. In verse 5, it says, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. They that are after the flesh. Nach dem I hope you know how to, how, if you are after the flesh, how people are after the flesh. Ich hoffe, ihr wisst, wie Leute hinter dem Fleisch sind. Il dit ceux, en effet, qui vivent selon la chair. You know, praying and fasting to pass your exam. Beten und fasten, um deine Prüfung zu bestehen, dann bist du hinter dem Fleisch her. Quand tu pries et tu es en train de faire des jeûnes de prière pour passer tes examens, là tu es vraiment charnel. Are you getting it? Mm. The Lord said you are a winner, no matter the results. Der Herr sagt, du bist ein Gewinner, egal welche Resultate oder Berichte. L'Éternel a dit que toi tu es déjà victorieux, peu importe le résultat. Are you getting it? Mm. If you are praying that the doctor's report be good, no, it's true. Don't let the report be good. You are after the flesh and not after the spirit. Wenn du betest, dass der Arztbericht gut ist, dann bist du hinter dem Fleisch hier, nicht hinter Christus. Si tu pries que le rapport du docteur puisse être bon, là, tu es derrière la chair et pas derrière l'esprit. The book of Peter, it said, by strife you will be healed. You are already healed. Mm. And not you are going to be healed. Wir sind schon geheilt, nicht wir werden noch geheilt. Mm. Et Pierre nous dit, le livre de Pierre nous fait voir que c'est à travers ces blessures qu'on a été guéri, que nous sommes guéris. Pas on sera guéri, mais nous sommes déjà guéris. Praise the Lord. Hallelujah. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. They pursue good report, good result. They, you know, they study so hard to pass. They mind the things of the flesh. For them, until their report is good, they never believe they made it. Sie suchen auch das Fleisch. Erst wenn ihre Ergebnisse gut sind, glauben sie auch, dass sie bestanden haben. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Par exemple, quand les gens sont en train d'étudier vraiment fort, ils sont en train d'étudier beaucoup et s'ils ne voient pas le résultat, ils vont jamais croire qu'ils ont déjà passé les examens. You know, I never ask you about your schools. Ich frage euch nie über Studium. Moi, je vous demande jamais de vos études. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Because, you know, it's just... it's all about Christ. Es geht nur um Christus. Parce que j'ai dit toujours du Christ. Are you getting it? I never ask about your study, your school, how is it? Did you pass? Who is failing? Who is passing? You know... Praise the Lord. Hallelujah. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Mm. But they that are after the spirit do mind the things of the spirit. Mm. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Stop working hard to pass. Hört auf, hart zu arbeiten, um zu bestehen. Arrêtez de faire tout pour avoir des bons résultats. We still work hard. We work hard to believe Christ Jesus. Wir arbeiten hart, Christus Jesus zu glauben. Nous, on travaille beaucoup, mais on travaille beaucoup pour croire en Jésus-Christ. We still work hard. We work hard to believe him, to trust him. Wir arbeiten hart, um ihm zu glauben, zu ihm zu vertrauen. Mm-hmm. Nous, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup à croire, à lui faire confiance. We still work hard. We work hard to remember him. Wir arbeiten hart, uns an ihn zu erinnern, sein fertiges Werk. Nous, on travaille beaucoup pour croire à son être, à son œuvre accomplie. We work hard. We still work hard. We labor. We labor to consider him. Mm, always. Wir kämpfen, ihn immer all wieder zu erachten, ständig. Nous, on travaille beaucoup pour le considérer chaque fois. They work hard to pass. Then we work hard, we work hard to remember Christ. Um zu verstehen, aber wir arbeiten hart, Christus, uns an Christus zu erinnern. Nous, on travaille, eux, ils travaillent beaucoup pour passer les examens. Mais nous, on travaille beaucoup pour se rappeler de Jésus-Christ. Are you getting it? Mm. They work hard a lot. We work hard to believe he loves us. Mm. In spite of whatever we are going through. Mm. That he is today. Are you getting it? Amen. You know, because everything we be crying and saying is not there. Mm. But you work hard. That's why he said, you live. He said, the kingdom of heaven suffer violence and the violent take it by force. Mm. You work hard. It's labor. Wir arbeiten to hard, believe ihm zu glauben, the kingdom of heaven. An das Königreich des Himmels it's zu glauben. Backing you. Dran zu glauben, dass das Königreich hinter uns steht und dass wir nicht alleine sind. Nous, on travaille beaucoup, mais on travaille beaucoup pour croire que le royaume des cieux est derrière nous et nous ne sommes jamais seuls. You work hard to believe Christ loves you. Wir arbeiten when others are telling you, I hate you. Dass Christus uns liebt, wenn andere sagen, dass sie uns hassen und, oder uns nicht leiden können. Nous, on travaille beaucoup pour croire que Jésus-Christ nous aime. Pendant que les autres nous disent que oui, que Jésus-Christ nous déteste. We work hard to believe Christ will not say he will not eat with us. Wir arbeiten hart daran zu glauben, dass Christus eben nicht mit ein Essen mit uns abschlagen würde. Nous on travaille beaucoup pour croire que l'Éternel va jamais dire que qu'il va pas manger avec nous ou bien va pas s'asseoir avec nous. Are you getting it? Mm-hmm. No matter the position they are here on earth. No matter the followers they have. No matter the music or whatever they have. Are you getting it? Yes. They're saying no to Jesus to be strong in your heart. Dass sie Nein sagen, dass sie gerade Nein sagen zu Jesus, das sollte dir sehr stark bewusst sein in deinem Herzen. Et peu importe leur position, mais quand ils disent non à Jésus-Christ, ça doit vraiment être, oui, fort dans ton cœur. Praise the Lord. Amen. Verse 6. To be carnally minded. To be natural minded. Natürlich gesetzt. Full of the natural, voll von natürlichen, voll von dem Fleisch. Donc être vraiment charnel, avoir une mentalité charnelle, plein de oui. You know, I remember some time ago, somebody, I don't want to call them. My children must pass. They must go to school. They must. You are so carnally minded. Okay. No. Praise the Lord. Hallelujah. It's all about they must go to university. Mm. Jesus did not go there. Mm. You know, don't look at them. Ich kann mich daran erinnern, dass eine Person mal richtig hart dahinterher war, dass ihre Kinder studieren und es zu etwas bringen hier auf dieser Welt, dem Fleisch gemäß. Und, aber Christus Jesus hatte eine ganz andere Agenda, er hatte ganz andere Ziele, er hatte einen ganz anderen Weg, er ist nicht studieren gegangen. Et je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui se disait toujours que oui, mes enfants doivent passer les examens, ils doivent faire ceci, cela, mais Jésus-Christ, donc il était toujours derrière la chair. Mais Jésus-Christ, lui, par exemple, il n'est pas parti à l'université, il avait donc, il s'agissait de son père. Even Paul that went to university. Selbst Paulus, der studiert hat es Mist genannt. Même Paul qui est parti à l'université, il a dit que ses examens sont de la merde. Oui, c'est son diplôme est de la merde. He said so that he is able to gain Christ. Er hat gesagt, ich muss es Mist nennen, damit ich Christus Jesus gewinnen kann. Il a dit que je dois le considérer comme de la merde, mon diplôme, pour que je puisse gagner le Christ. Because you cannot serve God and Mammon. Denn ich kann nicht Gott und dem Mammon dienen. Ich kann nicht beidem dienen. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et le maman. Ich kann nicht beides erachten. Tu ne peux pas considérer les deux. Praise the Lord. Hallelujah. If we go to school, it's Christ. Everything of us is Christ. Ist es Christus. Alles von uns. Allow them to be one with Christ Jesus. Christus sein. Es muss sich Christus Jesus beugen. Es darf nicht außerhalb von Christus Jesus existieren. Donc tu dois être, quand tu pars à l'école, ou bien à l'université, au travail, tout ça, ça doit être Jésus-Christ, ça doit être sous le Christ, donc ça ne doit pas être supérieur au Christ. For to be carnally minded is this. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. Parce que quand tu es charnel, tes pensées sont charnelles, ça c'est de la mort. But a soul that is full of Christ. Meine Seele, die voll ist von Christus, ist Leben und Frieden. Mais une vie qui est complètement du Christ, c'est la vie. Mais un homme qui est complètement en Christ, c'est la vie et c'est la liberté. It's soul that is after just I please Christ. Eine Seele, die einfach dahinter her ist, Christus zu gefallen, das reicht. Un homme qui est toujours qui veut toujours plaire à l'Éternel, c'est suffisant. Verse 7 said we talk about a carnal mind. 7 geht es um eine Fleischseele, against God. Es steht in Feindschaft zu Gott. Donc un âme qui est toujours entrée, qui est vraiment charnel et l'ennemi de l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the laws of God, neither indeed can be. So then They that are in the flesh cannot please God. You can see it. He said, they that are in the flesh. If it is about five senses, what makes sense? Don't forget it. The natural man. If it is all about, you know, to carnally, to be carnally minded, he said, is dead. Fleisch zu sind zu sein ist tot. Et dit qu'il nous fait, il nous rappelle, rappelle que quand tu es vraiment charnel, tes pensées sont charnelles, ça c'est vraiment de la mort. Praise the Lord. Hallelujah. Again, verse 8. Verset 8. So they that are in the flesh cannot please God. If you are in the flesh, God, you cannot please God. Wir im Fleisch können wir Gott nicht gefallen. You must be in Christ. You must remember Christ. It must be about Christ Jesus. Wir müssen in Christus sein. Wir müssen uns an Christus erinnern. Es muss um Christus gehen. Wir müssen ihn achten. Auch ceux qui vivent dans la chair ne sauvent, ne sauraient plaire à l'Éternel, à Dieu. Donc tu dois toujours considérer Jésus-Christ. Tu dois toujours voir que Jésus-Christ.